Allô? Oui. Tu veux? Oui, du noir aussi, oui. Mais de Je n'ai pas dit l'élasticité. ton cadeau de Noël. Une Ah oui, mais caravée tu en prends. de 114 bouteilles. Et entre mon mari et moi, 25 bouteilles. Ouais, tout le monde m'offre du vin, tout le monde savait que j'allais avoir une cave, sauf moi. Du coup, ben, ils m'ont pas Bon, fait mon autre chose. arrière, venez voir, t'as pas un mouchoir à me prêter, s'il vous plaît, un papier? Du sopalin, parce que Oui. j'avais un papier et je crois que la cliente me l'a Petite pris. connerie. Et après, à côté, mais le vin, j'adore le vin. Alors, pas pour boire, tu sais que j'aime bien boire comme ça. Le plaisir, hein, de me dire. Hein. Voilà, Ah, là-bas, j'adore. voilà, tu Moi, je vais rentres la machine retourner à avec ces café. trois. Moi, mes petits-parents, ils sont venus de Madère. Ouais. Ils y partaient pour avoir une cave. Et puis ça, Du les coup, pauvres, ils ben, cherchaient des étrangers, ils puis nous, c'était m'ont la pas fait autant. dictature. C'est la Sarre. C'était la dictature. Donc, c'était la crève, la faim, pas d'études, Moi, tu sais pas pas qu'hier, on droit. s'est fait une galette avec un chez ta Et femme? pas droit. Donc, c'était la guerre à plein pot. Donc, l'Angola, le Cap-Vert, tout ça. C'était la même époque. Allez, qu'est-ce que t'as pour carreau? Mon homme, tu connais pas mon homme? Oui, ça c'est important parce que. On a le jeune à côté là, on l'entend pas. Ah, oui, ah ouais, c'est ton mari? C'est mon mari. Mais si, je l'ai déjà vu dans C'est un breton, mais Je vais rester. il est super gentil. Marie. Bonjour. Et c'est le mari, c'est ton mari? Ah, mais il va pas rester alors, il n'est pas de là alors. Il n'est pas de Ton là. Non, mari? non, copain. Oui, monsieur. Copain comme tu veux. C'est la main, c'est votre. Ah, oui. Il n'y a pas de raison. Mais qui était gentil. Elle, pour le coup, elle avait un fond méchant, mais gentil quand même. Il y en a un qui m'a dit, mais Maria, elle est mignonne. Et on voit qu'il n'est pas tellement bavard, là. Bonjour, bonsoir, comme Ah, ça. il est poli et tout. Il est poli. On va devenir un peu plus riche. Et il doit être maniaque parce Plus qu'il met ses riche. chaussures sur le palier, là. Ils nous ont mariés à des Français dans la vie. Oh, mais je vais sortir, je suis dehors, là. Il a l'air maniaque. Mais ça, mais les gars de l'armée, ils sont tellement. Là, c'est. Et on va même être réaliste. Alors maintenant, ça me fait rire parce que nous, à l'époque, on a fui le pays. On est venu en France. Et maintenant, c'est les Français qui vont au Portugal. Parce que mon mari me dit, t'as regardé les manches. Ah, dit, heureusement qu'il est là, le mari. Ah oui, on venait pour chercher de l'argent. Eux, là-bas, ils vont entretenir le pays. Ça met les fortunes, ça développe le pays. C'est pas la peine, c'est bien d'y avoir pensé. Parce que moi, je n'ai rien apporté. Je suis allée pour Toussaint, mais là, c'est bien gentil d'y penser, mais c'est pas la peine, va. D'accord. T'as vu, même le Portugal, là, il recrute tous les Portugais qui sont, qui ont des niveaux supérieurs. Et alors, le soir après, j'avais rendez-vous chez ma petite roboteuse pour me décoincer parce que je suis boiteuse, pour développer le pays. Donc, ils les font venir, ils leur donnent une prime pour s'installer et tout. Et donc, comme ça permet de sélectionner l'immigration. Et en plus, ça apporte un savoir, puisque tous les Portugais ont fui quand même. Et après, les générations ici, on a étudié. Là-bas, tu ne pouvais pas. Regardez comment ça va, monsieur Monti. Ça va, Marie, avec Mon vous. Petit italien, ça, c'est un italien. 35 ans que je fais la couture, moi. On dirait pas, hein. On dirait que je suis une apprentie. Hein. Mais moi, j'ai fait toute ma vie de la couture. Je n'ai rien fait d'autre, d'ailleurs. Hein. J'ai travaillé à l'usine, déjà 20 ans, pratiquement. Et après j'ai été à l'association, j'en ai fait encore je sais pas combien. Enfin moi, si la santé me le permet, je sais pas si j'arrêterai moi, si je me retrouve à la campagne. Finalement, je vais arrêter de rougner. Moi, si on mange assez sans avoir faim. C'est le rez-de-chaussée. Je le craindrai un peu le plat. Alors on peut être en bas ou on viendra du frais. Le poisson, il n'a pas plus de 2 jours. Moi, j'adore. Tous les jours. J'irai dans 2 ans. J'ai pas le besoin d'y aller tout le temps. Tu sais, quand tu connais une île, c'est vite. T'as vite fait tout. Ciao, ciao. Bon, à bientôt, oui. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Oui, Maria, après-midi. Je vous fais la bise, t'es. Allez, à bientôt. Je me suis pas rasé. Ça va encore. Bon, passez de bonnes fêtes de Noël. Oh, moi, je me suis rasé, moi. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas agréable. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Mais moi, je me vois à... ouais, non, là, tout le temps, terrible. Non. Mais habiter 3 mois là-bas, ouais, je me verrai. Dans un bac, pour éviter. C'est même pas. Les... Et vous mettez quand même de l'antimite ou pas? Non, dans le bac, non. Tu vois, on a un autre. On a tout ici. Là-bas, tu es un peu malade. Là, là, là, là. Comment tu mélanges? T'as pas vu tout le monde dormir dans la conversation? C'est la force de Paris. Bon, alors à samedi. Eh bien, on se voit samedi matin. Merci. C'est gentil. Gens gentils. Donc ça, j'adore les gens.